Il y a de plus en plus de gens autour de moi qui font l'acquisition d'un Mac. Mais pour eux, c'est pas un simple ordinateur comme un PC. Non, pour eux, Apple, c'est une religion. Non, pour eux, Apple, c'est une religion. Si tu veux rester avec moi, retire tes doigts de mon Apple Pomme. J'ai pas de secret, rien à cacher, mais que je ne te vois pas effleurer mon iPhone. Rien de compromettant, rien de bien méchant, mais des petits trucs qui agacent les filles un peu connes. Quelques photos de cul, quelques vidéos qui tuent, mais tu ne comprendrais pas de voir ta sœur toute nue. Si tu veux rester avec moi, retire tes doigts de mon Apple Pomme. J'ai pas de secret, rien à cacher, mais que je te vois pas effleurer mon iPhone. Quelques blagues potaches, la bite à l'air, en pleine rotation comme un hélicoptère. Visser la tête en bas sur un réverbère, ou courir après son chien, les fesses à l'air. Enfin rien de bien important. Si tu veux rester avec moi, retire tes doigts de mon Apple Pomme. J'ai pas de secret, rien à cacher, mais que je ne te vois pas effleurer mon iPhone. Si tu veux rester avec moi, retire tes doigts de mon Apple Pomme. J'ai pas de secret, rien à cacher, mais que je ne te vois pas effleurer mon iPhone.